Coup de foudre. Love. LOL. LOL. Noko landu Michuri l'éclairer. Zina Bilao, Mamana Mitlin Michuri. Sur le plateau du désir, Nabi Bonzina Bosenga na yo. Yoki sana bilingi na bifenango. Un bâton étrange au milieu de mon jardin. Non, suivir ma souffrance, son sentiment. Milka l'éclairer. Au son angalien d'entraînement, ya bolingo na yo. Bosse dur pour matches à la haut. Maître Matou Fumou le coach. Mon témoin est centré d'accueil pour les mois Michuri. Pour Kamunda pour mériter ainsi. Lorette Bilao. Au bord de l'amour, fait couler rivière ya bilengi. Emporte nga nambongé ya caresse. Dike machine passou. Tango banzuba bolingo. Ezo tsuban tsuban naï. N'exprimer sentiment na sifflement du serpent. Dani Seke Seke. Lole mouna yo en circulant son libre sans roulage. Mais melanga diki diki na boîte aux lettres ya motolou. Mirlène et ça la cabie collée à Bilei, Balami na moto yo lingaka. Jano peuple mousson. Distance et samoulaye entre paroles et à Mobali. Les jeux bilano. Nalito ya moi si a fait que convaincre mon thème. Julien Tubango. Caméléo et ta quoi zanga na yembang. Bertrand de Grigny. Lole monézana posta ma colote kanganzinzi. Donc il fallait. Mais mangana paroxysme et Michuri. Armando Vuiti. Vimi sanga moli monanzo toto comme un banjelou. Pierre Malongo Bruxelles. Rex Mbouloko na Switzerland. Alphonse Dianzinza. PDG Tilus Henri le cerveau penseur. Adi Chimongo. Qui m'a dit c'est là, la ligne à la terre. Asa trop fragile, qu'on pousse qu'il était. Asa son enganzo ton abakale. Casse Botou. Kwebe na moi koni. Toxon de Wolo. Toketo. Chéri ma senga, Michuri caresse moi. Chéri ma senga, caresse non, elengi Michuri no kolandu. Eta mwisinga motonzo tomo mimbaye. Memanga na paradis ya bolingo. Landine longangu. Melisa ngai bamfino ya bilengi. Serenga loke toto bina dans samu. C'est le moment favorable, amour et son achalé. Bolingo et c'est propagé, alimenté nganzo tomo bimba nono kwembe hey. Francine Pondani, Shana Peko. Satisfait moi, miracle mai. Sepeli sangai. Miracle mai, satisfais-moi. Thomas Obama, satisfais-moi. Non, non, Kwembe. Christian Inganilo Mabate, Shigamon. Chouke Lomboto, Yami Shomputu, Blanchard Mouchi. Boutique à l'Italie de Piero. Ya Sami Mato. Bisonyem. Nene te sokine tsova. Amamatiki ya Koshinda Barengai. Trepole Djunga, chocolaté ngai. Salem Service. Adel Djogo, Mbagou Danse. Elo Gata. Dem Se Mousso. Jouné alelo yo karese ngai. Yadik. Nalingile lo na mona toizai. Tanu Ilaya. Tina Lito ya Elikia. Mariel Malayala ya ya Megane. Tonto Lama, Gislen Senga. Sola love ngai Selingoy Edomu Zambaye Oya Jowete Dani Zabana Sitya Makombo Samira Le Grand S Jessica Loss Nichiro Kotandanga na pavion yango. Imayole, imayole. Bolingwe nezo sekanga na lelaka. Yei, yako fiba nyo keswa kate. Elisa kakaka. Basi na motema na moto. Serge Boula, Olingi Olobana, Olivar Mundele. Fabrice Boulouka n'a tout mis question à vous y répondre. Ce que vous y n'a tout ton anna, Bakolo Kotango na hôpitalo. Berta Kongolo, Akolo Kotanga na hôpitalo. Cheta, Jésus Kumbanga Tokende Likolo. Alain Kembela, eh. Allez, si bon, on a fait la love et mon casan à Nyongon à Monte. Pousse que coûte tout ce que vous y avez, n'a yon n'y l'est pas. Chicota Bolingo n'a si maintenant non, non, non, non, elle est qui. Et dit qu'il y a qui a commis un bon manga. Loketo, Ani B52, Papi Chapo. Mbongo nanga, Eli Manasse Richard Malongo Panader Coco di Coco, Claudine Zingane pour vaincre. Papi et Piana.